canalsud@canalsud.net. Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Téléphone. Téléphone le 05 61 53 36 95. des nuisances, soniques ou autres, nous sommes tous les malvenus. Allez, tous avec moi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 1, et 2, et 3, et 4. C'est la belle et grande musique pour vous ce soir. Comme de... pour toujours. C'est de la grande et belle musique. J'entends les bruits du technicien qui travaille au loin pendant que l'instant roule, l'instant qui n'amasse pas mousse. Pourtant, qu'importe, tant qu'on va au vent du cliquetis, cliquetis, cliquetis. Ouvert. Il ne faut donc rien dire au micro. Comme je disais, le double cliquetis cliquetas. quelque chose, il y a quelque chose qui va pas, c'est sûr. D'ailleurs, il y a toujours quelque chose qui va pas ici. Il y en a marre. Je démissionne. L'usine, c'est une émission à tendance bruiteuse, ou au moins bruitiste, qui présente la grande et belle musique comme étant une farce. Ridicule, grotesquement, inabjectement, je veux dire abjectement, stupidement con. La musique, c'est de la merde. Et pour ça, on fait du bruit ici, plein de bruit. On fait des bruits et du bruit, avec des bruits et du bruit. C'est ça qu'on appelle la musique de nos jours. C'est l'esprit rock'n'roll, mais de nos jours. Quoi qu'on en dise, c'est bientôt mort. Tout est bientôt mort. Et non pas mortadelle. Puisqu'elles ne sont pas. Elles ne sont plus. Car cassantes. Les choses qui sont. Étant. Demeurent. Tant qu'elles ne sont pas. Cassées. Thank you. Bien que je n'ai aucune illusion sur mon pouvoir de dissiper à l'avance tous les malentendus, je voudrais mettre en garde seulement contre les contresens les plus grossiers. Les dominés appliquent des catégories construites du point de vue des dominants aux relations de domination, les faisant ainsi apparaître comme naturelles. Ce qui peut conduire à une sorte d'auto-dépréciation, voire d'auto-dénigrement systématique, visible notamment, on l'a vu dans la représentation que les femmes kabyles se font de leur sexe comme une chose déficiente, laide, voire repoussante, ou dans nos univers dans la vision que nombre de femmes ont de leur corps comme non conforme au canon esthétique imposé par la mode, et plus généralement dans leur adhésion à une image dévalorisante de la femme. La violence symbolique s'institue par l'intermédiaire de l'adhésion que le dominé ne peut pas ne pas accorder au dominant, donc à la domination, lorsqu'il ne dispose pour le penser et pour se penser, ou mieux, pour penser sa relation avec lui, que d'instruments de connaissance qu'il a en commun avec lui et qui n'étant que de la forme incorporée de la relation de domination, font apparaître cette relation comme naturelle. Ou, en d'autres termes, lorsque les schèmes qu'il met en œuvre pour se percevoir et s'apprécier, ou pour apercevoir et apprécier les dominants, élevés, bas, masculins, féminins, blancs, noirs, etc., sont le produit de l'incorporation des classements, ainsi naturalisés, dont son être social est le produit. Faute de pouvoir évoquer avec assez de raffinement des exemples assez nombreux, assez divers, et assez parlants de situations concrètes où s'exerce cette violence douce et souvent invisible, je m'en tiendrai à des observations qui, dans leur objectivisme, s'imposent de manière plus indiscutable que la description de l'infiniment petit des interactions. On constate ainsi que les femmes françaises déclarent à une très large majorité qu'elles souhaitent avoir un conjoint plus âgé et aussi de manière tout à fait cohérente, plus grand qu'elles, les deux tiers d'entre elles allant jusqu'à refuser explicitement un homme moins grand. Que signifie ce refus de voir disparaître les signes ordinaires de la hiérarchie sexuelle ? Accepter une inversion des apparences, répond Michel Bozon, c'est donner à penser que la femme qui domine, ce qui paradoxalement l'abaisse socialement, elle se sent diminuée avec un homme diminué. Il ne suffit donc pas de remarquer que les femmes s'accordent en général avec les hommes qui, de leur côté, préfèrent des femmes plus jeunes pour accepter les signes extérieurs d'une position dominée. Elles prennent en compte, dans la représentation qu'elles se font de la relation avec l'homme auquel leur identité sociale est ou sera attachée, la représentation que l'ensemble des hommes et des femmes seront inévitablement conduits à se faire de lui en lui appliquant les schèmes de perception et d'appréciation universellement partagés dans le groupe considéré. Que ces principes communs exigent de manière tacite et indiscutable que l'homme occupe au moins en apparence et vis-à-vis de l'extérieur la position dominante dans le couple, c'est pour lui, pour la dignité qu'elle lui reconnaisse a priori et qu'elle veut voir universellement reconnue, mais aussi pour elle-même, pour leur propre dignité, qu'elles ne peuvent vouloir et aimer qu'un homme dont la dignité est clairement affirmée et attestée dans et par le fait qu'il les dépasse visiblement. Cela, évidemment, en dehors de tout calcul, à travers l'arbitraire apparent d'une inclination qui ne se discute ni se raisonne, mais qui, comme l'atteste l'observation des écarts souhaités et aussi réels, ne peut naître et s'accomplir que dans l'expérience de la supériorité dont l'âge et la taille, justifiés comme des indices de maturité et des garanties de sécurité, sont les signes les plus indiscutables et les plus clairement reconnus de tous. Il suffit pour aller jusqu'au bout des paradoxes que seule une vision dispositionnaliste permet de comprendre, de noter que les femmes qui se montrent les plus soumises au modèle traditionnel, en disant souhaiter un écart d'âge plus grand, se rencontrent surtout chez les artisans, les commerçants, les paysans, et aussi les ouvriers, catégories dans lesquelles le mariage reste pour les femmes le moyen privilégié d'acquérir une position sociale, comme si, étant le produit d'un ajustement inconscient aux probabilités associées à une structure objective de domination, les dispositions soumises qui s'expriment dans ces préférences produisaient l'équivalent de ce que pourrait être un calcul de l'intérêt bien compris. Au contraire, ces dispositions tentent à s'affaiblir avec sans doute des effets d'hystériésis qu'une analyse des variations des pratiques non seulement selon la position occupée mais aussi selon la trajectoire permettrait de saisir à mesure que décroît la dépendance objective qui contribue à les produire et à les entretenir. La même logique de l'ajustement des dispositions aux chances objectives expliquant que l'on puisse constater que l'accès des femmes au travail professionnel est un facteur prépondérant de leur accès au divorce. Ce qui tend à confirmer que, contrairement à la représentation romantique, l'inclination amoureuse n'est pas exempte d'une forme de rationalité qui ne doit rien au calcul rationnel, ou en d'autres termes que l'amour est souvent pour une part amor fati, amour du destin social. something going on. De la grande musique, la grande et belle musique, la grande et belle poésie va commencer dans à peu près 10 minutes. Je pourrais dire toutes les insanités que je voudrais dans à peu près 10 minutes. Incidemment, il est 22h-10 sur l'antenne de Canal Sud 92.2 FM ou canalsud.net. Le 3W devant. Téléphone le 05 61 53 36 95. Également une adresse, le 40 rue Alfred Duméril au 31400 Toulouse, France. Donc adresse au 40 rue au 40 pardon, je recommence. Canal Sud, une adresse également au 40 rue Alfred Duméril, 31400 Toulouse, France. je disais, la grande et belle musique, ben, dans 5 minutes elle sera finie, ce sera enfin du bruit. Et pour ce qui est de la poésie, du grand art, et ben, pareil, dans 5 minutes ce sera le début, je veux dire. Enfin. Il est 22h. 22h. Et quelques 6 minutes sur l'horloge canadienne sudienne, comme je vous disais tout à l'heure. La radio dont je fais partie en étant bénévole, cotisant, pour être producteur d'une émission à but non lucratif. Entre autres buts non quelque chose. Et le but de ce soir, dans toutes les émissions d'usance d'ailleurs, c'est le but. Le but, c'est le non grand art. Voilà, le non grand art, le non art d'ailleurs. Donc, que ce soit très clair, il est 22h, j'encule l'art. L'art me fait chier. Tous les gens qui croient que l'art, ça sauve, ils sont pleins de merde. Et je les encule. C'est de la poésie, c'est du grand art, justement, c'est de la grande poésie. Je ne dis pas une version politique de ce que je pense, je dis juste ce que je pense en y pensant très pas fermement et fortement. Donc on va essayer de s'exprimer librement ce soir. Donc, merde à la vie. Merde à la morde. Merde à la morve aussi. Merde. Parlons du caca, parlons de la merde, parlons de la fioriture, de la fiente. Oh shit, when I eat you, I dig you. I dig you, my shit. When I eat you, I love. I love to eat shit. I love to eat my own shit. My own shit up my ass, the whole bit the way fucking down. And it's all going down. It's all going down, motherfuckers. It's all full of shit. We're all full of shit. We're all full of it, full of it. You get it. We're getting there, On y arrive, Attendez. Un instant. Donner un peu de répit à la chose. Dans 15 secondes, c'est reparti. Ouais, la merde. La merde, j'en pue toute la journée au boulot que j'ai. Et ma meuf aime plus bouffer de la merde aussi. Et la merde, c'est comme le rouge, ça se boit aussi quand c'est liquide. Et c'est bon des fois, parce qu'on a que ça, la merde. Vive la France. Point final. Phrase suivante, paragraphe suivant, une autre idée. Vive la merde! Une autre idée, vive l'air. Bienvenue en France, le pays de la débauche, de la luxure. La France, c'est comme une vieille boisson sans bulle. C'est un goût sucré, mais il n'y a pas d'acide dedans. Alors on se fait chier, c'est pourri. C'est de la merde cette boisson que je disais. Mais la France, c'est beau, vive la France et vive la merde et vive moi. Et voilà, et... c'est trop beau. C'est trop beau. Ah non, c'est vrai. Trop même. Un peu trop beau. Un peu trop suffisamment beau pour moi. Merci. De machine à laver chez soi. Et chez soi, c'est même pas chez soi, parce qu'on sous loue à des putes le mercredi matin quand on n'y est pas. Ouais, ouais, on est au chôme du et on en a rien à foutre. Ouais, chôme du. comme le fion. C'est bon comme le fion, plein d'hémorroïdes qui pustulent, et du sang, plein de sang et de la chic, et des cris, et de la tergiversation, plein de tergiversation. Fabulation aussi. Le reste qu'il reste, et je vais alors d'ores et déjà, con comme ils sommes, elles avons toujours comme jeu de bonnes excuses. Je suis un abruti, je suis bête, con, difficile, etc., etc., etc., etc., point. Réflexion, réfléchir, la lumière mérite cette torturante machinale, semble-t-elle machination, toute illuminante progression qui peut finir, je radote, certes, exagération de l'affect qui, soi-disant, se doit d'être dit bien. Aura, âme, fluide, monde, etc. Et caetera. Rien à dire, rien à écrire sauf le reste. Never mind the evermore. Nem. Hamburger. Bullshit. Anything but nothing. To get one's teeth on. Anything but nothing, despair, desperate, fuck that, no way out of a way, only infinity exists, no eternity, give that bull, away with that bull, out of here bull, away with you bull, heap, quit that bull, crap bull, heap, go to hell. Alors traduisons, ce ne me signifie rien qui m'aille, sauf effort dans le passé, il y a donc prendre appui racine sur dans le passé. Il y a, ne me rien qui vaille maintenant, des virages, il y en a eu, il y en a, il y en aura, c'est sûr que sûrement. Le là, plus tranquille de tous, toutes, c'est tout, c'est tout. Les absurdes abscosités meurent. Pendant ce temps, un autre goéland se fane le long d'un gange en plastique lisse, cassant doux, en dents de scie. L'avenir, quoi ? L'avenir se présente sous forme de fond de synthèse. Nécro, bio, nécro, non bio, synthèse. Coordonne, coordonnée. Pour, par, un amas, galmé. Peut-être abalgabé. Je suis sûr. Sur les pavés. Genre plage et tout. Et tout. Ne suffisant certainement jamais. No comment. Massive.

Thank you. Allô, y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Vous êtes sur Canal Sud, 92.2 FM ou canalsud.net. Allô, y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Canal Sud. Canal Sud. Canal Sud. C'est de la balle. Thank you. 23h sur l'horloge de Canal Sud au 40 rue Alfred Duméril, Toulouse, France. Il est 23h sur l'horloge de Canal Sud au 40 rue Alfred Duméril, Toulouse, France. Fuck you. français et je n'ai rien à dire à part passer une bonne soirée sur l'antenne de Canal Sud. Et je n'ai rien à dire à part passer une bonne soirée sur l'antenne de Canal Sud. 92.2 FM, Calcus.net, c'est Nuisance, Nuisance, émission qui Nuisance, émission de toutes les nuisances, Sonic et autres, ce soir. Le vendredi 13 mars 2015. Vive la France et vive Pétain. Thank you. salut tout le monde. Les bavures sont connues ici pour ne pas être. Alors nous vous disons bonsoir, nuisance est finie ce soir pour ne pas continuer sur Canal Sud. Passez une bonne soirée à l'écoute de Canal Sud.